PEGI 18. Dans un monde où les fous sont maltraités puis ridiculisés, un monde où les riches sont montrés du doigt et haïs par la plus grande partie de la population, rien ne sert de réussir ou de se donner des objectifs. Alors on se surpasse, on donne le meilleur de nous-mêmes pour finalement vouloir plaire à n'importe qui. Triste sort. Je suis persuadé que la nature nous offre ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais on passe notre temps à se lamenter sur notre propre personne et à chercher les défauts des autres pour mieux s'épanouir dans une éternelle solitude cérébrale. Et je suis le premier concerné. Avez-vous déjà imaginé dans quel climat allaient grandir vos enfants? De toute façon, on se connaît pas. Je ne suis qu'éphémère dans votre mémoire. À la fin de cette vidéo, pour les plus courageux, vous passerez à une autre, puis à une autre, et encore une dernière jusqu'à temps que le sommeil vous emporte et que vous rêviez enfin votre vie. Quand je suis né dans les années 90, tout était plus simple. Je vais pas vous faire le coup du mec qui jouait avec des cailloux dans la terre et qui était content d'avoir bouffé du sable à la récré. Je vous parle de l'atmosphère qui régnait. À Noël, j'avais des Lego, des cassettes VHS, des CD de titres et des albums Panini. Pas de console de jeu, parce que mon grand frère avait pris l'habitude d'éclater toutes les manettes de la Super NES et que ça devait flipper ma daronne. Par contre, j'ai toujours eu des ordinateurs. J'ai commencé avec le modem 36K qui te déconnectait quand on recevait un appel sur le fixe. J'avais exactement 17 disquettes de 1,44 MO pour installer Doom 2 qui se jouait uniquement au clavier. Et putain, qu'est-ce que je kiffais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant tout est différent. À 4 ans, on a un iPad. À 6, un PC. À 12, on est sur Tinder pour rencontrer la prochaine pute qui va nous briser le cœur. Où sont passées les satisfactions à utiliser une chose après une dure labeur pour l'avoir fait fonctionner? Où sont passés les gens qui disent à vos enfants qu'ils sont éveillés, qu'ils iront loin plus tard? Où sont les familles qui prennent encore le temps de jouer le jeu du Père Noël avec leurs gosses, la petite souris, les œufs de Pâques dans le jardin? Il y en a encore, mais vous le savez aussi bien que moi. Elles sont aussi rares qu'un présentateur télé à qui on peut faire confiance. On pourrit la planète avec nos ondes, nos pollutions et nos idées d'arriérés qui nous envoient droit dans le mur et qu'on pense légitimes. Dans quelques années, vous pourrez trouver des profs de PS6 genre non-binaire avec des soutiens-gorge qui vous expliqueront que votre tétard n'en fait qu'à sa tête et qu'il refuse de suivre les consignes données. Tu m'étonnes. Qui a envie d'écouter quelqu'un qui a décidé de faire l'apostat de sa propre espèce? On va faire comment en cas de guerre? Fini les casques bleus, place aux cheveux bleus et aux lianes sous les bras. On va d'abord combattre l'homme blanc privilégié avant l'ennemi principal. J'emmerde tous les pseudo-défenseurs d'une liberté conditionnelle qui nous disent qu'on doit becter avec qui, où, quand, comment et de quelle façon. J'ai un corps et je suis bien dedans, personne ne me dira comment l'utiliser. Y'a pas que Dieu qui peut me juger, y'a aussi ma mère, mes mentors et tout un tas d'enculés qui ont laissé une trace dans mon métabolisme. Hors de tout et totalement instable, jusqu'à ma mort, je refuse catégoriquement d'appartenir à quelconque mouvement social. Tout le monde fait un truc, bah je fais l'inverse. Faire du covoiturage avec des connasses qui se permettent de me demander pourquoi j'ai autant de cicatrices sur les mains, c'est comme foutre Gilbert Montagné dans un laser quest et lui demander où il a posé sa veste. Je commence à en avoir ras le cul des connasses de Twitter qui servent des hashtags de Twitter pour balancer un pecno qui regardait leur poitrine en 98 après le but d'Emmanuel Petit. Et pseudo-harceler, vous faites honte et tort à toutes celles qui ont réellement vécu un traumatisme et qui n'oseront jamais en parler. À cause de vos conneries de merde, on n'ose même plus dire à une fille qu'elle est jolie de peur de se retrouver en top tendance de Twitter avec le lieu, la date et la couleur de la coque de notre iPhone. Dites-vous un truc. S'il n'y avait pas de forceur, je serais probablement jamais né, vous non plus. J'emmerde les gens qui prennent la confiance sur internet, qui sous couvert d'anonymat se permettent d'insulter, juger et trouvent normal d'avoir droit à la parole. Et toi, oui toi, ô grand fils de pute qui va se permettre de me dire que cette dernière phrase me concerne. Sache que je fais 1m83 pour 70 kg, autrement dit un putain de sac d'os et personne m'a jamais emmerdé pour la simple et bonne raison que je me suis jamais caché. Les mecs qui se prennent pour des trolls et qui sont incapables d'aligner 5 mots sans bégayer quand tu les croises en vrai. Les enculés qui me foutent des recommandés dans ma boîte alors que j'ai pris un jour de congé pour récupérer mon colis. Les mecs qui pensent ouvrir des chichas stylés alors qu'ils ont simplement foutu une ambiance tamisée pour cacher la misère qui s'y trouve. C'est que pas du bon coin qui comprennent pas que si l'annonce est toujours en ligne, c'est que le produit est toujours à vendre. Les PD dans les gares qui veulent me vendre de la weed alors que j'en ai rien à branler. Les vétérinaires qui s'étonnent de plus avoir de clients alors qu'ils te foutent des vaccins pour chat à 135€. Les compagnies aériennes qui te proposent un voyage pour 40€ alors que si tu viens avec une banane, la cost ça passe à 220€ hors taxe. Les garagistes qui perdent tes clés. Les gardiens d'immeubles qui comprennent pas que le matin j'aime pas parler. Les roumains qui se promènent au feu rouge avec les fringues de mon ex que j'ai foutu dans le bac pour les pauvres. Allez tous vous faire enculer. Partagez, likez, commentez. De toute façon, on va tous crever.